Comme le bas-relief plus tardif disposé à côté, cette statuette faisait, originellement, partie d'un projet décoratif. L'artiste et ses amis avaient installé des sculptures et des céramiques, comme Femme de Martinique, le long de muraux peints dans la salle à manger de l'auberge rurale où ils étaient descendus en Bretagne. Sur le mur, l'artiste Paul Sérusier avait inscrit le credo de Richard Wagner, qui semblait rendre à merveille leur croyance en la nature divine de l'art et de l'artiste. Je crois à un jugement dernier où seront condamnés à des peines terribles tous qui en ce monde auront osé trafiquer de l'art sublime et chaste, tous ceux qui l'auront souillé et dégradé par la bassesse de leurs sentiments, par leur vie convoitisée pour les jouissances matérielles. Je crois qu'en revanche, les disciples fidèles du grand art seront glorifiés et qu'enveloppés dans célestes tissus de rayons, de parfums, d'accords mélodieux, ils retourneront se perdre pour l'éternité au sein de la divine source de toute harmonie.